La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous au troisième jour de notre semaine consacrée à Franz Kafka à l'occasion de la parution en Pléiade d'une nouvelle édition des œuvres complètes de l'écrivain pragois. Durant les 41 années qu'a duré sa vie, Kafka a écrit 3400 pages de littérature, dont seulement 350 nous seraient parvenues si son ami Max Brod n'avait désobéi à son ordre de brûler tous ses manuscrits. Sans cela, ce grand maître de la littérature européenne du XXe siècle serait resté tout aussi peu connu que le jour de sa mort, le 3 juin 1924, et l'immense exégèse que son œuvre a sécrétée n'aurait pu voir le jour. Cette œuvre, Florence Banco a commencé de nous la présenter lundi, en même temps que sa biographie dans une émission disponible évidemment en podcast. Mardi, avec l'artisan de cette nouvelle Pléiade Kafka, Jean-Pierre Lefebvre, nous sommes revenus sur l'écriture de l'écrivain pragois, sur des questions de traduction aussi, ainsi que sur la thématique du corps et de l'ascétisme chez lui. Enfin, nous nous demanderons demain jeudi ce que la sociologie peut apporter à la compréhension de l'œuvre de Kafka, et ce sera avec Bernard Lahire. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler des deux grands romans que sont Le Procès et Le Château, je reçois Jean-Pierre Morel, professeur émérite de littérature comparée à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, grand spécialiste de l'œuvre de Kafka dont il a dirigé avec Wolfgang Ascholt le Cahier de Lerne qui lui a été consacré en 2014. Il a également commenté Le Procès et Le Château dans la collection Foliothèque des éditions Gallimard. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Vous savez peut-être ce que disait Einstein un jour que Thomas Mann lui avait prêté le château. C'était en Amérique et Thomas Mann a écrit une préface pour le château dans sa traduction américaine. Et il l'a donné à lire à Einstein qui lui aurait répondu « Je vous le rends, c'est trop profond pour qu'une intelligence humaine puisse le comprendre ». Et c'était naturellement, si c'est dit par Einstein, ça ne manque pas de saveur, naturellement. Bonjour Jean-Pierre Morel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Cette boutade d'Einstein que rapportait la critique Marthe Robert, elle a peut-être un fond de vrai. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle a d'abord une certaine saveur. En même temps, on pourrait dire qu'elle fait partie de l'aura d'intimidation qui entoure les œuvres de Kafka et principalement ses deux derniers romans, et qui fait qu'un certain nombre de lecteurs ne s'y aventurent qu'avec beaucoup de précautions. Sans compter ceux qui, assez rares du reste, mais célèbres comme Jean Genet, n'entrent pas du tout dans le jeu de l'action et du monde de ces deux romans. Et puis elle... Pourquoi est-ce qu'il ne rentrait pas du tout dans ces deux romans-là ? On a une lettre de lui dans laquelle il dit qu'il a... Il n'est pas entré dans ce monde de Kafka parce que lui connaissait la justice de près, ce qu'était... Lui-même avait été dans une colonie pénitentiaire. L'exercice de la justice, qu'il avait été élevé à Maitrey, dans une colonie pénitentiaire, enfin sans doute moins féroce que celle qui est représentée par Kafka dans son fameux texte de 1914, et puis qu'il connaissait aussi tout ce qui faisait partie de la procédure. Et je n'oserais pas prêter ce terme à Genet, mais on a l'impression parfois qu'il pense dans cette lettre qu'il a plutôt affaire à un amateur qu'à un professionnel de l'institution judiciaire. Oui, mais est-ce que ça parle vraiment de l'institution judiciaire, que lui le procès connaît pas seulement, mais en partie, alors c'est Si on veut partir de là pour tenter un premier parallèle entre ces deux grands romans, la spécificité de l'un et de l'autre, et qui en a fait l'étrangeté à l'époque, c'est que cela raconte dans les deux cas, avec des différences sur lesquelles on pourra revenir amplement, mais ça raconte l'histoire de personnages aux prises non pas avec divers aspects de la société comme on le connaissait depuis les grands romans du 19e et du 20e siècle, mais très spécifiquement avec l'institution. Le problème de l'institution, Einrichtung, est fondamental pour Kafka, y compris l'institution du mariage dans ses lettres à Felix Bauer. L'institution est saisie dans les rapports avec le personnage central, Joseph K. ou K., sous la forme administrative. Donc d'un côté, on a une administration judiciaire avec un juge, instructeur, des gens qui une hiérarchie, un fonctionnement. Pour le procès. Et puis de l'autre côté, pour le château, on a une administration de type politique plutôt. Le château qui règne sur le village et sur la contrée, une institution plutôt traditionnelle, plutôt politique, l'administration comtale dans le château. Alors à partir de là, il y a des différences, mais on peut ajouter tout de suite, si on veut pousser le parallèle, que la deuxième particularité des romans, de la singularité des romans de Kafka à leur époque, c'est de mettre aux prises avec cette institution un personnage qu'on pourrait considérer comme considérablement amaigri, si je puis me permettre cette expression, par rapport au personnage de roman traditionnel. Le nom réduit à une initiale ou à un prénom suivi d'une initiale, toujours la même, c'est en même temps celle de l'auteur, mais n'entrons pas trop dans le dédale des interprétations que ça pourrait susciter. Donc un personnage qui n'a pas beaucoup de vie intérieure, qui est effectivement évoqué la plupart du temps en focalisation interne, c'est-à-dire qu'on connaît ses pensées à mesure que l'action se déroule, mais en même temps, il y a un certain nombre d'ellipses ou un certain nombre d'oublis majeurs qui font, par exemple, qu'il est extrêmement difficile de savoir, et le roman, à cet égard, donne plusieurs versions contradictoires, si véritablement le personnage qui arrive un soir au château avec seulement un petit baluchon et un bâton noueux de roulier a véritablement été engagé par le château, par cette administration suprême, ou s'il bluffe, pour pouvoir rester au chaud à l'auberge. Alors, il y a énormément de choses dans ce que vous venez de dire là en quelques minutes, Jean-Pierre Morel. On va les reprendre parfois en parlant dans première partie plutôt du procès, en deuxième partie plutôt du château. Mais pour terminer sur ce que ces ouvrages peuvent représenter ensemble, est-ce que il y a dans l'idée de Kafka, et le sait-on seulement, l'envie de construire ses œuvres en miroir? Ou pas? Est-ce qu'elles sont liées d'une manière ou d'une autre dans l'œuvre de Kafka, au-delà de tout ce que vous venez de dire au sujet des points communs qui les relient? C'est très difficile à dire au niveau des intentions. Il n'y a rien chez lui qui avère l'hypothèse que vous venez de proposer, à savoir une construction miroir. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Il y a effectivement plusieurs rapports. On pourrait dire qu'il y a peut-être une construction en miroir plutôt, paradoxalement, entre le château, le dernier, et le disparu, le premier. Dans la mesure où les deux personnages, Karl Rossmann, il a un nom complet, lui, avec un prénom. Avec un K, ouais, avec, quand même. Avec un K, toujours. Dans le premier roman, et K dans le dernier, suivent un parcours qui est fait de désillusions successives, et même de déclassement social, puisque le premier finira comme agent technique sous le nom de Negro, alors qu'il avait rêvé de venir aux États-Unis pour devenir ingénieur, Alors que l'autre, qui a tenté tous les essais pour devenir, pour entrer au château, en tout cas en se présentant au départ comme un géomètre convoqué, finit par être le valet d'un palefrenier. Et encore par protection. Alors vous avez inclus encore un roman supplémentaire, Le Disparu, qu'on appelle aussi L'Amérique dans certaines traductions. Point commun entre ces trois romans, non seulement ils n'ont pas été publiés du vivant de l'auteur, mais ils n'ont pas de véritable achèvement. Même si on peut considérer que le procès est à peu près terminé, il n'est pas totalement terminé. Quant aux deux autres, ils n'ont pas de fin, ou pas réellement. En effet, ils n'ont pas été achevés, ils ne sont pas inachevés de la même manière, mais je crois que Jean-Pierre Lefebvre vous a dit hier ce qu'il fallait sur sur ce point, c'est-à-dire que le dernier, le château, s'arrête au milieu d'une phrase, tandis que Kafka, en écrivant le procès, dès l'été de 1914, a écrit le chapitre d'ouverture et le chapitre de conclusion, c'est-à-dire l'arrestation de son personnage et, de l'autre côté, l'exécution de son personnage. Mais c'est entre les deux que l'agencement des divers chapitres plus ou moins longs qu'il a écrits ne se fait pas exactement. Et de ce point de vue, on pourrait souligner deux choses. D'une part, il n'est pas vrai que, comme on l'a prétendu quelquefois, les chapitres du procès puissent se lire, se disposer dans n'importe quel ordre. Car il y a certaines indications de retour en arrière ou d'indications sur les saisons qui montrent que certains chapitres se passent forcément avant d'autres. On ne peut pas les mettre dans n'importe quel ordre. Et pour autant, il n'y a pas une action continue, linéaire et suivie. Mmh. Et c'est là qu'on peut en revenir au château. Le château qui, au contraire, ne se passe pas en un an, mais exactement en 6 jours, 6 nuits et 6 jours, a une action extrêmement resserrée dans le temps et dans l'espace, et tout s'y enchaîne de façon extrêmement rigoureuse. Il y a pratiquement, c'est un roman fascinant dans la mesure où il n'y a pas de temps mort, y compris la nuit, à peine quelques heures pour le sommeil, et c'est tout. L'action ne s'interrompt pas du début à la fin. C'est très différent du château. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors parlons un peu plus précisément du procès Jean-Pierre Morel. Et d'abord de la question qui se pose, faut-il chercher absolument à interpréter ce texte? Est-ce qu'on peut d'ailleurs résoudre ce texte que Einstein, alors il parlait en l'occurrence du château et pas du procès, disait qu'il était d'une profondeur trop grande pour l'intelligence humaine? Est-ce qu'il faut le lire comme ça en essayant de le résoudre? Question difficile. La question est complexe. Elle se pose du reste indépendamment de Kafka, peut-on dire, à l'égard de toute œuvre littéraire. Est-ce que le geste de l'interprétation est un geste commandé par l'œuvre littéraire? Sans doute. L'opinion de Deleuze et Guattari était à cet égard différente, puisque préconisait la fin des interprétations, la fin d'un certain régime de lecture de l'œuvre de Kafka qui faisait trop fond sur des interprétations. Cela dit, on peut constater que dans leur livre « Kafka pour une littérature mineure », eux-mêmes proposent un certain nombre d'interprétations. Cela étant, la question se pose à propos du procès, dans la mesure où non seulement ce qui arrive au personnage principal, c'est-à-dire son arrestation, son inculpation, pour une raison, d'ailleurs qu'il ne connaîtra jamais, parce qu'il n'y a pas de chef d'accusation, et il ne le saura jamais, il ne sera jamais d'ailleurs convoqué devant le tribunal, c'est déjà très énigmatique. C'est la fameuse première phrase du roman, « Quelqu'un avait bien dû calomnier Joseph K, car un matin, sans qu'il n'ait rien fait de mal, il fut arrêté. » Ce qui pose une question d'ailleurs en retrait, À quel type de société, à quel type d'organisation cette phrase fait-elle allusion, si pour une simple calomnie, on peut être arrêté? C'est pas courant. Il faut un chef d'accusation pour qu'une procédure judiciaire... Là, il semble qu'il y ait simplement une calomnie. Donc il y a déjà une question qui est posée sur le monde dans lequel va se dérouler cette série d'événements. Je complète la réponse que je vous ai juste avant. C'est non seulement le fait lui-même de l'inculpation de Kafka de Joseph K. est énigmatique, mais de surcroît, la question est relancée sans cesse par le personnage principal, ou par des personnages secondaires, ou par des personnages qui, curieusement, ne sont pas des professionnels de la justice, mais jouent le rôle soit d'intermédiaire, soit d'intercesseur auprès du tribunal, en particulier un peintre, et à la fin un chapelain, l'aumônier des prisons. Et petit à petit, on s'aperçoit qu'on ne peut pas échapper au monde de cette justice bizarre, parce que tout le monde semble, y compris les petites filles qui sont dans l'escalier du peintre, faire partie de la justice. Tout le monde pose à un moment donné la question de savoir ce qu'il en est de cette justice et la question de l'interprétation. Et l'avant-dernier chapitre, dans l'ordre qui nous est resté du procès, est un grand duel et un grand conflit d'interprétation à propos d'un texte resté fameux devant la loi, qui est, il faut le signaler au passage, le seul texte dont Kafka était content, qu'il a fait lire à sa fiancée Felix Bauer et qu'il a publié ensuite à part, deux fois, en 1914 et en 1920. Et c'est un conflit d'interprétation, une sorte de mise en abîme de l'histoire de K et de son tribunal, recodé sous l'espèce d'un conflit d'interprétation à propos d'un homme de la campagne qui vient trouver le tribunal et d'un gardien qui défend. Oui. Mais qui n'explique rien. On a l'impression que ça va être l'explication justement finale de l'ensemble de la démarche de K et donc de Kafka. Vous avez raison, ça n'explique rien. Alors, ça sert à quoi ? Ça ne fait que relancer le conflit des interprétations, savoir si K fait preuve de présomption et d'arrogance en traitant les démarches judiciaires comme il le fait, ou si au contraire, il ne devrait pas être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus méthodique, beaucoup plus scrupuleux, parce que ce tribunal, ce procès, c'est la seule porte qui lui était ouverte. Et puis il y a un retournement tout à fait extraordinaire dans les dernières lignes de ce chapitre. C'est au moment où les deux personnages se reconnaissent, l'un comme l'accusé et l'autre comme le chapelain. Et le chapelain dit « J'appartiens donc au tribunal ». Et le chapelain dit alors « Mais le tribunal ne te demande rien ». Il t'accueille quand tu arrives et il te laisse partir quand tu t'en vas. On écoute un extrait du procès. C'est le moment de l'audience de K, lu ici par Georges Claes. Il se trouvait maintenant face à face avec la foule. De petits yeux noirs passaient dans la pénombre. Les joues pendaient comme des joues d'ivrogne. Les longues barbes étaient raides et rares. Et quand on y portait la main, c'était comme si on griffait le vide avec ses doigts. Mais sous les barbes, et ce fut là la vraie découverte de K, des insignes de diverses tailles et de diverses couleurs brillaient sur les cols de ces gens. « Ah ah !» s'écria K en levant les bras au ciel, car cette subite découverte avait besoin de quelque espace pour s'exprimer. « Vous êtes donc tous, à ce que je vois, des fonctionnaires de la justice. Vous êtes cette bande de vendus dont je parlais. Vous vous êtes réunis ici pour écouter et espionner. » Vous avez fait semblant de former des partis pour me tromper. Si vous applaudissiez, c'était pour me sonder. Vous vouliez savoir comment il faut s'y prendre pour induire un innocent en tentation. « Laissez-moi, ou je cogne !» s'écria-t-il, un vieillard tremblotant qui s'était trop approché de lui. « Ou bien vous avez réellement appris quelque chose. Je vous félicite de votre joli métier. » Il prit rapidement son chapeau sur le bord de la table et se hâta de gagner la sortie au sein du calme général. Calme qui ne pouvait s'expliquer que par la plus complète surprise. Mais le juge d'instruction semblait avoir été encore plus prompt que K, car il l'attendait déjà à la porte. « Un instant. Je veux simplement, dit le juge, vous faire remarquer que vous vous êtes frustré vous-même aujourd'hui, sans avoir l'air de vous en rendre compte, de l'avantage qu'un interrogatoire représente toujours pour un accusé. » K dit en regardant la porte, « Bande de fripouilles que vous êtes! Je vous fais cadeau de vos interrogatoires !» Puis il ouvrit et descendit à toute allure l'escalier. Derrière lui, il entendit s'élever le bruit de l'assemblée qui se ranimait pour discuter les événements comme une classe qui commente un texte. La compagnie des auteurs, nous parlons du procès de Kafka avec vous, Jean-Pierre Morel. Ce personnage de K, on vient de l'entendre, il est parfois présenté par le narrateur de manière un petit peu grotesque. Quand, par exemple, le narrateur dit que K lève les bras au moment où il découvre les insignes, car, je cite, « cette subite découverte avait besoin de quelque espace pour s'exprimer ». C'est une phrase assez drôle. Comment le voit-il, selon vous, ce narrateur et peut-être même Kafka lui-même, comment est-il ce cas? Parce qu'on n'est pas vraiment en tant que lecteur ni de son côté, on a du mal à le juger. Parlez-nous un peu de ce personnage étrange. C'est une question effectivement qui se pose parce que l'interprétation ne peut pas se fonder simplement sur le déroulement de l'action, sur les péripéties. Elle ne peut pas se fonder uniquement les pensées du personnage. Ce que vous soulignez à propos du détail du volume corporel du personnage lui-même tient à quelque chose de singulier qui est commun à la fois à Joseph K. puis à K. C'est que outre le fait qu'ils sont aux prises avec une administration, on ne sait jamais bien, ils ne savent pas eux-mêmes, quelle est exactement la position qu'ils doivent prendre par rapport à ce qui arrive. Il y a une première position possible, qui est la position qu'on pourrait dire militante ou combattante. C'est-à-dire, par exemple, très curieusement, au moment où l'arpenteur... Mais disons, revenons au procès. Au moment où Joseph K. apprend son inculpation, tout de suite, il prend une position de défense et de résistance par rapport aux deux gardiens, à l'inspecteur qui sont venus le trouver, comme s'il y avait un conflit. Et cette position, il va la reprendre de façon discontinue pendant tout le roman. Mais ça n'est pas la seule chose. La position de combattant est une ouverture, mais une autre ouverture est la possibilité que dans tout cela, il y ait un jeu. Ce soit un jeu. Cette arrestation, ce serait peut-être une plaisanterie un peu lourde que lui feraient ses collègues de la banque, oui. Parce que c'est le jour de son 30e anniversaire. Quelques années plus tard, on aurait dit c'est une caméra cachée, finalement. Voilà, c'est un peu ça qu'il croit, d'ailleurs. Ce serait une espèce de canular très, très, un peu méchant et un peu poussé. Et donc, dans un certain nombre de cas, le personnage va prendre, va adopter une gestuelle, dirait Brecht, de quasi comédien comme dans l'épisode que vous venez de à juste titre de souligner. Mais ce qui importe de dire, c'est qu'aucun de ces choix n'est tenable tout du long, ni celui du conflit et de l'acharnement à la résistance, ni celui du fait que tout ça ce serait un grand jeu dans lequel il faudrait finalement... L'essentiel serait finalement de trouver le rôle que l'on doit jouer, le bon rôle, la bonne place. Et donc ça, c'est une métaphore, évidemment, l'homme dans la société, tout simplement. C'est l'homme c'est l'homme face à ses institutions, mais avec des divergences assez grandes. Puisque dans le cas de Joseph K. dont nous parlons, il s'agit d'une institution qui sournoisement vient le cibler, s'infiltrer dans toute sa vie et le déstabiliser aussi bien socialement, professionnellement que familialement. En revanche, dans le château, c'est l'inverse. C'est un personnage qui est demandeur. Mmh. Et semble-t-il au départ de demandeur d'emploi, demandeur de position sociale, au village, d'insertion professionnelle et familiale, et aussi demandeur d'une certaine considération qui lui viendrait des hauteurs du château. Donc il y a quelque chose d'un petit peu singularisé. Donc ce sont deux personnages un peu opposés. Finalement, du point de vue, par exemple, de K dans le château, à rechercher, à être adoubé par une institution dont, au fond, il n'a pas besoin. C'est cette idée de la servitude volontaire. Oui, c'est l'idée de la servitude volontaire, au sens où le nom d'Inde de la Boétie serait remplacé par le château ou par le haut fonctionnaire Clam qu'il s'évertue à rencontrer, mais avec lequel il ne se trouve jamais face à face. Le fonctionnaire qui s'appelle Clam. Oui. Alors, revenons au procès. On fait finalement des allers-retours et des va-et-vient. Il a été écrit, ce livre, en août 1914. Et prolongé jusqu'à l'hiver 14-15, et puis... Débuté, en tous les cas, août 14. Et en août 14, évidemment, la guerre vient d'être enclenchée. Est-ce que les échos de la guerre peuvent être une explication aussi à ce texte-là? Alors ça, c'est une grande question, parce que les échos directs de la guerre, on les trouve plus précisément dans son journal ou dans sa correspondance. Mais pour ne pas entrer dans le détail, je crois que le début de la guerre, l'été 14. La déclaration de guerre à l'échelle européenne coïncide pour lui avec la crise de ses fiançailles et le fameux tribunal familial de Berlin, toujours le qui tribunal. Va déclencher chez lui l'écriture du procès, pardon. Mmh, mmh. Et là, je crois qu'il faut faire fond sur une grande hypothèse de ce beau livre d'Elias Canetti, L'autre procès. C'est que chez Kafka, il n'a jamais cherché sérieusement à défendre quoi que ce soit qui ressemblerait à une vie intérieure, qui serait un trésor à préserver, contre les tumultes et les tragédies du monde extérieur. Canetti dit quelque chose comme « celui qui veut à tout prix préserver son monde intérieur des catastrophes extérieures, celui-là n'a pas véritablement de monde intérieur. » Contre les apparences, est traversé en réalité par l'actualité de son temps. Ce qui nous ramène en arrière, peut-être à votre question initiale sur la ressemblance des deux livres, c'est que Le procès et Le château se singularisent aussi énormément dans la première moitié du XXe siècle, dans le sens où, et là je suis toujours votre question la plus actuelle, il n'y a absolument aucun contexte historique précis, ni dans l'un ni dans l'autre, encore dans le... Il y a une époque tout de même, hein. On sait qu'on est à une époque qui est contemporaine bien de sûr, l'écriture, il y a des indices qui nous l'indiquent, il y a l'électricité, il y a le téléphone, il y a les voitures. Bien sûr, téléphone qui d'ailleurs est dans l'emploi tout à fait, comme le disent à un moment des fonctionnaires du château, c'est plutôt une espèce de machine à faire de la musique, ça ne sert pas beaucoup à communiquer, donc même tout ce qui est... tous les indices les plus actuels sont déréglés. Dans le disparu ou l'América, il y a encore quelques reflets de l'actualité. Il y a une grève d'ouvriers dans la région de New York. Il y a la fréquentation de grands capitalistes. Il y a l'expansion vers l'ouest avec le Grand Théâtre de l'Oklahoma. Tout ça disparaît, et c'est un des aspects les plus insolites de Kafka, à une époque où les auteurs contemporains, les Thomas Mann, Joseph Roth, Döblin... Et pour quelle raison, d'après vous ? Font des romans historiques, et Ou bien quand il décrivent des situations contemporaines comme Berlin, Alexanderplatz ou Ulysse, montre que la situation contemporaine recouvre toutes sortes de strates d'histoire et pas Kafka. Et pourquoi d'après vous? Ça veut dire ou qu'est-ce qu'il a voulu faire justement avec ce qui pourrait être un procédé au fond? Pourquoi, c'est difficile à répondre. Ce qu'il a voulu faire, c'était énigmatique. Le résultat, sans doute, c'est que bien qu'il n'y ait aucune référence historique importante, les romans se présentent comme la modélisation d'un certain nombre de situations historico-politiques précises sur lesquelles on pourra revenir plus en détail. On peut, à partir de ces œuvres, on peut y repêcher des choses fondamentales. On va continuer d'en parler évidemment, Jean-Pierre Morel, dans une seconde partie de cette émission. Ce sera juste après, en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues, avec vous aujourd'hui Alexis Broca du Nouveau Magazine Littéraire. Bonjour Alexis. Bonjour Mathieu, bonjour Jean-Pierre. Vous nous parlez d'un des choix du cahier critique du Nouveau Magazine Littéraire. Il s'agit du roman de Dan Chion, paru chez Albin Michel. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un roman assez extraordinaire, d'un auteur qui n'est pas encore une vedette chez nous. Pas encore. Ça serait tardé. Ça va venir. Voilà, il a eu 2-3 livres traduits avant. Il a un succès croissant. Et là, il semble que ce livre soit celui de la consécration. Ça l'a été aux États-Unis et j'espère bien que ça le sera chez nous. Voilà, j'ai vraiment adoré ce livre et Fabrice Collin, qui a fait la critique, l'a beaucoup aimé aussi. Et voilà, je vais essayer de vous parler un petit peu du contenu de ce livre. Ça s'appelle Une douce lueur de malveillance et vraiment ça porte bien son titre. Mm-hmm. C'est une sorte de thriller dont l'essentiel du décor est la psyché d'un personnage qui est d'ailleurs psychologue, et c'est un psychologue hautement ambigu. Il s'appelle Dustin, il travaille du côté de Cleveland, et lorsqu'on commence le roman, on a l'impression que c'est quelqu'un d'équilibré, un père de 2 adolescents qui a dû faire face à la maladie de sa femme, qu'il a vu mourir d'ailleurs. Il l'a fait avec dignité. Et qu'il a assumé, voilà, tout ça avec dignité, dans une position de père traditionnel. Et en fait, plus le roman avance, plus on se rend compte que Dustin est beaucoup moins net que sa raison sociale et sa qualité de père tendent à l'indiquer. Ça tient à son passé. Et il a vécu une histoire terrible dans son passé. Il avait 10 ans à peu près et il séjournait en vacances dans un camping-car. Il y avait une maison pas très loin où habitaient son père, et sa mère et son oncle et sa tante. Et en fait, ces 4-là se font massacrer pendant une nuit. Et Dustin, à l'époque, a un frère adoptif. Et ce frère adoptif, c'est en gros l'épouvantail de tous les parents des années 70-80. L'enfant qui écoute du heavy metal, qui a les cheveux longs et gras, qui est assez obsédé sexuel par ailleurs, qui se scarifie, voilà. Et qui par ailleurs a pris son petit frère Dustin comme vraiment comme une victime. Et Dustin a une position aussi très étrange vis-à-vis de Russell, ce frère adoptif, parce que d'un côté il l'admire et de l'autre côté il se rend bien compte du danger que porte le personnage. Les parents sont assassinés, l'oncle et la tante sont assassinés, et du coup il va y avoir évidemment une enquête. Et l'enquête tente à incriminer Russell. Et lui, Dustin, il va fournir un témoignage décisif qui va envoyer Russell en prison pour 30 ans. Et 30 ans après, il y a une analyse ADN qui montre que Russell n'était pas coupable. Et c'était peut-être un sale type par ailleurs, mais il n'a pas commis ce crime-là. Voilà. Et Dustin, en fait, le psychologue, a construit toute sa psyché sur le fait que son frère Russell était forcément coupable. Et le fait de l'avoir dénoncé, d'avoir fait un témoignage qui le dénonçait, c'est quelque chose sur lequel il s'est construit. Il a vécu toute sa vie en se convaincant qu'il avait eu raison de témoigner. Puis il s'est convaincu que Russell était vraiment le coupable du crime. Et voilà, et puis là, cette nouvelle qui est terrible pour Dustin, de l'innocence de Russell, va provoquer l'écroulement de tout ce sur quoi il a construit sa psyché. Et évidemment, les conséquences vont être terribles. On l'imagine. Ouais. J'imagine que vous ne pouvez pas nous donner, sans trop divulgâcher, la teneur de ces conséquences. Ça serait terrible de vous dire ça. Mais enfin, ce que je peux juste vous dire, c'est qu'il y a un lien aussi avec... là où on voit que Dustin ne va pas très bien. Il est psy, il va partager une obsession, en fait, d'un de ses patients. Et l'obsession de son patient, qui est un ancien policier, c'est qu'il imagine qu'en fait... il y a une série de noyades d'étudiants qui arrivent à ce moment-là, et le policier imagine que ces noyades ont été provoquées par un tueur particulièrement malin qui joue sur les stéréotypes qu'on peut avoir pour les étudiants, à l'encontre des étudiants. Et tout ça va confluer magnifiquement. Enfin, c'est un texte à la fois très sombre et magnifique. Voilà. Arrêtons-nous là dans l'histoire. Ça donne de toute façon très envie de lire. Ouais. Merci beaucoup, Alexis. On retrouve votre signature dans les colonnes du nouveau magazine littéraire et puis aussi sur les tables des libraires avec votre roman Un Dieu dans la machine. À très bientôt. Merci, Mathieu. C'est la suite de la Compagnie des auteurs, troisième jour de notre série consacrée à Kafka. Nous parlons à présent du roman Le Château. Je pense qu'on va continuer aussi à parler du procès, hein, puisque finalement on a commencé à tout mélanger. Jean-Pierre Morel, nous sommes avec vous. Un nouvel extrait à présent du Château, lu par Georges Clès. Il était tard lorsque K arriva. Une neige épaisse couvrait le village. La colline était cachée par la brume et par la nuit. Nul rayon de lumière n'indiquait le grand château. K resta longtemps sur le pont de bois qui mène de la grande route au village, les yeux levés vers ses hauteurs qui semblaient vides. Puis il alla chercher un gîte. Les gens de l'auberge n'étaient pas encore au lit. On n'avait pas de chambre à louer, mais, surpris et déconcerté par ce client qui venait si tard, l'aubergiste lui proposa de le faire coucher sur une paillasse dans la salle. K accepta. Il y avait encore là quelques paysans attablés autour de leur chope, mais, ne voulant parler à personne, il alla chercher lui-même la paillasse au grenier et se coucha près du poêle. Il faisait chaud. Les paysans se taisaient. Il les regarda encore un peu entre ses paupières fatiguées, puis s'endormit. Mais il ne tarda pas à être réveillé. L'aubergiste se tenait debout à son chevet en compagnie d'un jeune homme à tête d'acteur qui avait des yeux minces, de gros sourcils et des habits de citadin. Les paysans étaient toujours là. Quelques-uns avaient fait tourner leurs chaises pour mieux voir et mieux entendre. Le jeune homme s'excusa très poliment d'avoir réveillé K et se présenta comme le fils du portier du château, puis déclara « Ce village appartient au château. Y habiter ou y passer la nuit, c'est en quelque sorte habiter ou passer la nuit au château. Personne n'en a le droit sans la permission du comte. Cette permission, vous ne l'avez pas. Ou du moins, vous ne l'avez pas montrée. » Et cet extrait, Jean-Pierre Morel, résume l'intrigue, si l'on peut parler d'intrigue, de ce roman Le Château. Oui, cela pose d'emblée une autre différence entre le procès et le château. C'est que la relation de l'accusé au tribunal, du début à la fin du procès, est une relation essentiellement duelle entre deux partenaires ou entre deux antagonistes. C'est un combat, c'est la description d'un combat pour reprendre un autre titre de Kafka. C'est la description d'un combat. Alors que on voit tout de suite, par l'intervention de ce personnage du château assez bas dans les hiérarchies, qui sans doute... De l'envoyer par le château. Oui, commet sans doute un abus de pouvoir, que la relation qui va se construire dans tout le château être une relation à trois. La relation entre l'individu K, le château et le village. Et ça complexifie énormément l'intrigue. Et ça amplifie le personnel. Le livre, le troisième livre, est beaucoup plus riche en personnel, disait Canetti, que le second. Et pour ce qui est des lignes qui viennent d'être lues, ça pose tout de suite au moins deux problèmes. L'irruption de ce fonctionnaire qui va réveiller K en lui demandant de se procurer un certificat pour pouvoir être hébergé la nuit dans cette auberge, à quoi K va répondre qu'il est attendu puisqu'il a été embauché comme arpenteur, qu'il est embauché comme géomètre. Ça pose la question de la véracité de l'autodéfense de K. Ça pose aussi une question tout de suite. Il va dire un peu plus tard dans la conversation, comment est-ce qu'il y a un château ici, où est-ce que je suis? Alors que dès les premières lignes qui ont été lues tout à l'heure, on voit qu'il s'est attardé un moment au pied de la colline, le regard levé vers la hauteur où se trouve le grand château. Est-ce qu'il sait, oui ou non, qu'il y a un château là-haut? Pourquoi s'attarde-t-il? Pourquoi lève-t-il les yeux? Alors qu'après, il va ou bien jouer les ahuris, ou bien poser sincèrement la question, il y a un château ici. Oui. Et on s'apercevra un petit peu plus loin, dans un chapitre ultérieur, que le personnage qui est venu le déranger au nom du château pour lui demander un certificat d'hébergement était ce soir-là à la fois distrait, inoccupé, avait des problèmes avec sa fiancée, l'institutrice Giza, et qu'il s'est adressé à K, lequel ne venait peut-être pas du tout comme géomètre, mais simplement comme personnage qui voulait ne pas se faire remarquer du tout, pour peut-être trouver un emploi et repartir quelques jours plus tard. Ce qui fait que la vérité définitive de la situation initiale de K, géomètre ou pas, on ne la saura jamais. Et c'est une des grandes singularités du château, très différente de ce que nous voyons dans le procès. C'est qu'à mesure que le roman avance, progresse, se complexifie, se ramifie, il se remet sans cesse en question. Il rejoue sans cesse la première scène et d'une manière complètement différente. En réalité, un petit peu comme pour le procès, on pourrait parler d'un roman policier pour le château, puisque on voit bien, et la manière dont vous en parlez le montre parfaitement, Jean-Pierre Morel, qu'il y a des indices, et finalement c'est au lecteur de les combiner, ces indices, pour essayer de se faire un chemin à travers l'âme de Joseph K ou de K, selon qu'on soit dans le château ou dans le procès. Un de ses contemporains et amis, l'écrivain allemand Ernst Weiss, parlait du procès comme du roman policier d'une âme. Ce qu'on pourrait tout de suite objecter, bien sûr, à l'appellation générique de roman policier, c'est que dans l'un et dans l'autre cas, nous n'avons pas de solution de l'énigme. Nous n'avons pas de révélation finale de qui est véritablement K, pourquoi il est venu, pourquoi le château refuse obstinément de le recevoir, tout en le reconnaissant dans ses prétentions et tout en lui donnant ensuite un travail, mais un travail qui est beaucoup moins, disons, important ou prestigieux que celui auquel il aspirait. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a que des hypothèses. Parmi les hypothèses qui tiennent la corde, pourrait-on dire, le plus souvent, il y a celle de l'éternel arpenteur, en écho à l'expression du juif éternel. Au fond, l'arpenteur, c'est celui qui chercherait un peu comme le juif, à s'assimiler. Il demande au château, c'est-à-dire à l'instance supérieure de la société, d'être accepté. Ça, c'est une option qui correspondrait assez bien à la biographie de Franz Kafka. Il y en a d'autres, mais de celle-là, que pensez-vous, par exemple ? Oui, c'est le personnage qui cherche à s'assimiler alors que son destin menace de faire de lui uniquement quelqu'un qui était un homme en trop, un surnuméraire, comme le lui dit l'aubergiste Dupont. Vous êtes finalement quelqu'un qui est en trop et constamment dans les pattes des autres, un gêneur. Mmh. Et pour d'ailleurs, quand il arrive, on ne lui trouve pas de chambre, il est obligé de dormir près du poêle dans une salle commune. C'est un étranger, et à la fin, d'ailleurs, à la toute fin, il sera de nouveau quelqu'un qui cherche à être nourri et à être logé, tout simplement. Alors évidemment, vous avez prononcé le mot d'assimilation, et là, évidemment, on peut faire état d'un travail auquel il a déjà été fait référentiel, le travail de Pascal Casanova, récemment disparu, et que nous regrettons tous, son travail sur Kafka en colère. Jean-Pierre Lefebvre en a déjà parlé très bien hier, donc c'est pas la peine de s'apesantir, à savoir le... mais bien entendu, c'est encore pris par Kafka dans une position conflictuelle, puisque d'un côté... les deux romans auraient à voir avec l'antisémitisme. Évidemment qu'il ne peut que réprouver, mais également avec le désir d'une partie de la bonne société juive pragoise aisée dont il procède directement à vouloir s'assimiler à la société dominante, pas statistiquement allemande de Prague. Cela pour le château, mais pas pour le procès. Parce que dans le procès, le personnage est parfaitement intégré. Il est cadre dans un grand établissement bancaire. Et au contraire, ce qui va lui arriver, c'est une désocialisation de plus en plus insidieuse, mais grave, par le biais du procès. Là, il est désassimilé. Il est mis sur le banc des réprouvés. Pardonnez-moi de... Alors, Jean-Pierre Morel, parmi les interprétations qu'on a faites du château, il y a aussi l'idée de les mettre en correspondance avec les deux autres ouvrages dont on a parlé tout à l'heure, en disant, au fond, Kafka a voulu représenter la puissance supérieure de la grâce dans le château, la puissance inférieure du jugement dans le procès et la vie terrestre dans l'Amérique. Est-ce que vous seriez prêt à reprendre à votre compte cette idée qui crée un ensemble au fond avec ces trois romans-là ? C'est une idée qui procède au fond de la vision qu'un des tout premiers, Max Brod, a proposé de l'agencement possible de ces trois livres. Cela rejoindrait ce que nous disions antérieurement de la question de la rencontre avec l'aumônier et dans un chapitre de la fin du château aussi de la rencontre avec Burgel, le moment où il semble qu'il y ait une issue pour le personnage par l'accession quasi miraculeuse. Il y a très peu de chances, c'est très improbable que ça se produise, mais il y a une possibilité qui est réservée, qu'il accède enfin à quelque chose qui serait de l'ordre d'une réalité supérieure. Et cela serait sans doute en rapport avec quelque chose qui me permet de compléter ce que je disais tout à l'heure de l'histoire. L'histoire chez Kafka, ce ne sont pas forcément exclusivement des dates et des événements sur lesquels on peut se repérer, mais c'est aussi un héritage, et ce serait l'héritage de la tradition juive. Sur ce point, je me sens malheureusement incompétent, et je ne pourrais guère pousser l'interprétation dans ce sens. Thank you. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de ces deux grands romans que sont Le Château et le Procès de Kafka avec vous, Jean-Pierre Morel. La place de l'amour finalement, à la fois dans le procès, où il est peut-être plus question de désir, et dans le château, quelle est-elle? En quoi est-ce que ça peut être aussi un thème qui est un axe de lecture et de compréhension de ces deux livres-là? Je pense que vous faites tout à fait bien de souligner cet aspect, dans la mesure où on a beaucoup parlé à propos de Kafka, et je pense à juste titre, il y a toute une grande tradition à cet égard qui commence à Walter Benjamin, à Bertolt Brecht, qui passe par Hannah Arendt, qui va vers Kundera, qui était cité hier, mais aussi d'une autre façon vers Deleuze et Guattari, la grande interprétation politique par les problèmes, par l'examen de la démocratie ou le totalitarisme qui serait très sensible dans l'histoire, par exemple, d'Amalia. C'est précisément un personnage féminin. Mmh. Donc il y a un lien entre amour et totalitarisme. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui nous est peut-être, nous, plus sensible aujourd'hui. C'est la manière dont le tribunal, dans le procès, et dont le château et le village sont liés à la domination masculine. Constamment, les femmes sont sous la coupe des juges ou des messieurs. Elles sont utilisées. Ou des secrétaires. Elles sont utilisées à toutes sortes de fins, notamment à des fins érotiques, c'est très clair. Et il va y avoir tout un jeu assez subtil et assez rusé de la part de K dès son arrestation, et de la part de Joseph K dès son arrestation, et de K dès qu'il rencontre Frida, pour mettre les femmes dans son jeu, pour s'en faire, passez-moi l'expression, des sortes de marchepieds sur l'échelle qui va le mener vers le grand juge ou vers les hauts fonctionnaires. Mais il y a un point d'achoppement, et qui est sans doute lié aux circonstances dans lesquelles le château a été écrit, c'est-à-dire la rencontre avec Milena, c'est que le château se distingue aussi du procès par la présence d'une relation amoureuse forte entre Frida et Kafka, qui va se manifester par une nuit d'amour, une description assez impitoyable, mais aussi par des conversations très approfondies, par des revirements de sentiments passionnels tout à fait étonnants, et aussi par cette perpétuelle remise en cause de ce que l'on disait auparavant, le retour perpétuel du roman sur ses débuts pour modifier sa stratégie. Allez, une dernière interprétation qui est peut-être la plus littéraire, c'est celle que Marthe Robert faisait quand elle pensait que l'arpenteur dans le château était quelqu'un qui arpentait les livres, un petit peu comme Don Quichotte dans un autre espace-temps. Là encore, pourquoi finalement pourrait-on penser cela en une petite minute, Jean-Pierre Morel? Ah, c'est une interprétation célèbre, magnifique, qu'on ne peut malheureusement pas reprendre en détail, mais qui ferait aussi la dimension historique et politique du château, plus encore que du procès, dans la mesure où ce serait plusieurs états successifs et différents de la littérature occidentale qui seraient retraversés par ce roman finalement très actuel et très retraversé du roman, retraversé du roman courtois, retraverser des rapports de maître à serviteur et là il faut peut-être aller lire directement Marthe Robert et d'autres choses encore. C'est un grand livre, c'est un livre souverain dans l'arpentage de la littérature de Kafka. Merci beaucoup Jean-Pierre Morel, merci. Lire Marthe Robert, c'est bien, mais vous lire, c'est mieux encore. Les deux analyses que vous avez faites du procès et du château sont disponibles dans la collection Foliothèque chez Gallimard. Et puis on n'oublie pas non plus le cahier de Lerne Kafka qui date de 2014 et que vous avez co-dirigé. Cette émission a été rendue possible par Didier Pinoane, Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Anthony Thomasson. Demain, nous regarderons comment la sociologie peut être aussi une porte d'entrée dans la compréhension de l'œuvre de Kafka. Nous serons pour ce faire avec le sociologue Bernard Lahire. Mais pour l'heure, c'est le retour de la poésie et c'est avec Jacques Bonnafé. Merci Mathieu, la compagnie, bonjour. J'aurais pu égrène le poème Hypothèse qui ouvre l'espoir à l'arraché d'Abdelatif Lahabi au castor astral. J'aurais pu me réfugier dans une grotte, en sceller l'entrée, m'y exercer à la surdité, la cécité, l'insensibilité, en finir avec le vacarme des images et livrer ma mémoire au grand réparateur qu'est l'oubli. Mais non, non. Abdelatif se souvient. « Je me souviens, écrit-il, je me souviens du tortionnaire parlant de ses années d'emprisonnement au Maroc. Je me souviens du tortionnaire. À aucun moment, il ne m'a humilié. Dans ses yeux grands ouverts, j'ai cru lire de l'étonnement. C'est comme s'il était en présence d'une matière, n'obéissant à rien. Un morceau de bois où les clous ne rentrent pas. Une barre d'acier plus fragile que du cristal, une motte d'argile qui ne veut prendre aucune forme, cruche, gobelet ou tagine, un tambour n'émettant que des sifflements. Il peinait le bougre, m'insultait copieusement, sans beaucoup d'imagination, me giflait des deux mains à la fois avec un sens du rythme indéniable, me rouait de coups sans trop de conviction et pour souffler un peu, me suspendait à un croc comme cela se fait en terre d'islam avec le mouton écorché lors de la fête du sacrifice. Il allumait alors une cigarette, la buvait jusqu'au sang et malgré la folie de la douleur où il m'avait plongé, je continuais à lire dans ses grands yeux ouverts le même étonnement. Cela dit, jamais, à aucun moment, il ne m'a humilié. Un long silence avant de passer à hâte. Je n'ai plus le temps de la patience. J'abandonne la sagesse au poète du réalisme, au peintre du compromis, au musicien de la sérénité. J'ai hâte d'une vraie fin et d'un vrai recommencement, d'une reconfiguration de l'univers où des milliers de planètes seraient peuplées comme le fut la nôtre, où nous aurions la liberté de vivre dans la galaxie de notre choix. J'ai hâte d'un futur clair, net et précis, pour une fois inventant du tout au tout son propre passé. Lacune, dit-il, mes lacunes pèsent des tonnes. Pourtant, si ma bibliothèque venait à s'écrouler, je pourrais, à l'instar de l'illustre Al-Jahiz, mourir écrasé par tous les livres que j'ai lus. Et pour finir, à voix basse, je croyais que la poésie me protégeait. Je découvre qu'elle me rend plus vulnérable. La page que j'ai lue et par acquis de conscience relue est trop lourde. Je n'ai plus la force de la tourner. J'ouvre les yeux avec cette peur au ventre de ce que je vais voir. Imaginez, encore et toujours, je m'en mords les doigts. J'hésite à respirer trop fort. La charogne, le charnier ne sont jamais loin. Ma surdité, hélas, n'est pas totale. La tête s'est de nouveau détachée du corps. J'ai oublié comment je faisais pour les ressouder. L'illusion est reposante. Reconnaissons-lui au moins cette vertu. Le silence parle mieux de l'incompréhension, de la douleur, de la folie ordinaire. Merci Jacques Bonnafé pour ces lectures de poèmes d'Abdelatif Lahabi.